Ouais, alors je vais juste dire un mot. J'ai deux informations à vous faire passer. Donc la première, c'est que la séance qui était consacrée à Frédéric Le Baron est annulée. C'était mardi prochain, puisqu'il ne sera pas en France. Voilà, donc il y a vraiment, on n'a pas réussi à trouver de date. Donc du coup, on a décidé d'annuler. C'était pas possible. Il y avait vraiment une impossibilité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière séance. Et la dernière séance a lieu le 4 juin. Et donc le rendu, en fait, a lieu après la dernière séance, puisque vous faites un compte-rendu des séances. Et si c'est possible, le 8 juin, puisque en fait, pour les notes, on doit les rendre le 12. Donc il faut nous laisser le temps de corriger. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Maud Simonet et Mathieu Elie, qui sont tous les deux sociologues à Nanterre et qui sont rattachés à l'IDHES, c'est-à-dire l'Institution et dynamique historique de l'économie et de la société. Donc ça, c'est le nom du laboratoire. Ils vont donc nous présenter une communication qui s'intitule « Le travail associatif, analyser le monde associatif autrement ». Il y a des points de suspension et les points de suspension sont importants, vraisemblablement. À vous. Merci aux organisatrices et organisateurs de ce séminaire de nous donner cette occasion de présenter notre travail à la fois collectif, individuel, sur cette question, cette thématique du travail associatif dans le cadre de ce séminaire. On est ravis d'être là et de pouvoir discuter de ça avec vous autour de cette question de la pensée critique, donc des pensées critiques. Cette thématique donc, du travail associatif, on tente depuis quelques années de l'instituer comme un objet sociologique à travers différents médias. On avait dirigé avec Mathieu un dossier collectif dans la revue Les Mondes du Travail qu'on avait intitulé « Splendeur et misère du travail associatif » en 2008. Puis on avait organisé un colloque à Nanterre la même année sur ce thème du travail associatif et qui a donné lieu à une publication collective un peu retravaillée à partir du colloque qui est sorti donc pour la page pub qui est sorti l'année dernière aux presses universitaires de Paris-Ouest sous le titre Le travail associatif, on peut peut-être le faire passer. Et d'emblée, ça me permet de préciser tout de suite, et on y reviendra, que cette collaboration qui est la nôtre à tous les deux et dont on va vous parler ici, elle s'inscrit plus largement dans un travail collectif. C'est-à-dire que vous en avez deux là, mais en fait, il y a plein d'autres personnes avec nous, à côté de nous, derrière nous, dans les travaux qu'on va vous, ou devant, qu'on va vous présenter, dans un travail collectif avec d'autres chercheurs avec qui nous avons l'un et ou l'autre mené des recherches passées ou en cours, des publications communes. Donc je pense notamment, mais je me dirai sans doute, mais à Francis Lebon, à Anne Bory, Vérène Chevalier, Yves Lochard, Pascal Moulévrier, Sophie Rétif, Fanny Darbus, Romain Pudal, voilà, pour ce qui est en tout cas des membres du RT35 de l'Association française de sociologie, donc qui s'appelle aujourd'hui Sociologie du monde associatif. Hein. Et puis également, en ce qui me concerne aussi, avec John Krinsky, donc un chercheur américain de la fac publique de New York avec qui je travaille. Donc notre collaboration à Mathieu et à moi, elle s'est opérée en fait sur la base à la fois d'une complémentarité et d'une communauté. Complémentarité dans les objets étudiés individuellement et les méthodes mobilisées pour les étudier, et communauté dans l'approche, à la fois la perspective d'analyse et les enjeux soulevés par cette approche du travail associatif. Pour le dire vite, moi j'ai fait une thèse plutôt qualitative, même franchement qualitative, sur le bénévolat en France et aux États-Unis, et Mathieu a fait une thèse à forte dimension quantitative, même si ce n'est pas uniquement la méthode qu'il a mobilisée, mais à fort apport, on va dire, quantitatif, sur les salariés associatifs. Mais chacun, à notre façon, nous avons essayé, dans nos travaux de thèse et par la suite, de mobiliser la sociologie du travail sur nos objets et d'interpeller celle-ci à partir de ces objets. Et chacun, à notre façon, nous avons pointé, mis en exergue, analysé la relative invisibilité à la fois sociale et sociologique de ce travail associatif. Alors certes, cette invisibilité, elle se manifeste à des degrés et même sous des formes variables. Là aussi, pour le dire vite, mais on y reviendra, les salariés associatifs sont moins visibles socialement. Et j'ai envie de dire, avant les travaux de Mathieu, ils étaient aussi moins visibles sociologiquement et même statistiquement. que les bénévoles ou les volontaires ou les autres engagés associatifs qui sont plus facilement valorisés, reconnus socialement, étudiés comme des citoyens engagés, comme des acteurs importants du monde associatif, etc. Qui sont donc, bref, ces bénévoles, ces volontaires extrêmement visibilisés comme citoyens, mais pour le coup totalement invisibles comme travailleurs. Donc quand on pense association, traditionnellement on pense plus facilement bénévole que salarié parce qu'on pense avant tout monde de l'engagement et pas monde du travail. Et on reprenait dans un article, qui est celui a priori qui vous a été communiqué pour cette séance, hein, on reprenait ce lapsus de Claire Chazal sur France 2 quand elle annonce... Quand elle annonce la grève à Emmaüs qui a lieu donc en mars 2010... Et elle nous dit, c'est le premier grand conflit du travail associatif médiatisé, hein, et elle nous dit, nos journalistes, grève à Emmaüs, nos journalistes sont partis rencontrer les bénévoles de l'association. Et c'est bien d'un lapsus, puisque c'est bien des salariés qui sont en grève à Emmaüs, et on y reviendra, mais visiblement elle n'est pas à l'aise, et donc pour elle, elle dit Emmaüs, elle pense bénévole, elle dit bénévole. Néanmoins, quand on s'intéresse enfin, j'ai envie de dire, au travail dans le monde, et plus souvent même quand on s'intéresse au travail, on va s'intéresser plus facilement au travail dans le secteur associatif, c'est le terme qui va être mobilisé, eh bien on s'intéresse alors à l'emploi stable ou aux emplois aidés, mais on laisse dans l'ombre, en dehors du cadre de pensée et d'analyse et de réflexion, toute une série de statuts qui sont plus ou moins dérogatoires par rapport au droit du travail, qui sont socialement définis comme ne relevant pas du travail mais de l'engagement, le bénévolat, mais aussi les différentes formes de volontariat, et on en a eu une pléthore ces dernières années en France, volontariat associatif, service civique, on peut parler d'Emmaüs, on peut parler des compagnons d'Emmaüs aussi, les animateurs volontaires qui organisent l'écolo, les centres de loisirs, qui ont relevé d'une annexe de la convention collective de l'animation, puis de contrats d'engagement éducatif, qui sont en passe peut-être de devenir des volontaires de l'animation, bon, on va y revenir, mais... Tout ça pour dire que ce qui est relativement invisibilisé dans ce monde-là, c'est bien la dimension du travail, parce que ce monde est encore largement pensé, et les sociologues n'échappent pas, et se pense encore largement lui-même aussi comme un monde de l'engagement. Rendre, alors, ce qu'on a essayé de faire nous, c'est-à-dire rendre sociologiquement, et d'autres, hein, encore une fois, quand je dis nous, c'est aussi tous ces gens que j'ai cités en début de mon propos, rendre sociologiquement et donc aussi, et on y reviendra là aussi à mon avis au moins dans les questions, mais peut-être aussi dans notre propos, sociologiquement et socialement visible cette dimension du travail dans un monde de l'engagement, penser le monde associatif comme un monde du travail, hein, ça ne veut pas dire en retour nier cette dimension d'engagement. C'est au contraire essayer de penser ensemble le travail et l'engagement, de réfléchir à la manière dont ces deux dimensions peuvent s'articuler, se nourrir autour de cette idée du travail engagé, mais aussi mettre en lumière, et c'est peut-être ça sur lequel on a un peu plus insisté, mettre en lumière aussi comment, au nom de l'engagement, ce monde associatif peut participer à attaquer le travail, ou plus précisément, ces institutions du salariat qui sont nées au cœur de l'emploi, pour reprendre une expression de Bernard Friot, avec qui on travaille et on échange tous les deux depuis longtemps. Le droit du travail, la sécurité sociale, le syndicalisme, etc. Donc c'est sur ces rapports ambigus entre travail et engagement que je me propose de revenir dans un premier temps. Ce sera la première partie un peu de cet exposé, avant que Mathieu ne réinscrive cette analyse contemporaine du travail associatif dans l'histoire de ses rapports à l'État et aux politiques publiques. Penser le monde associatif comme un monde du travail, c'est aussi nécessairement revenir sur une autre doxa de l'analyse des associations, leur extériorité par rapport à l'État et à ses politiques, en tant qu'organisation de la société civile. Et avec cette idée d'extériorité, on pense souvent leur entrée dans le jeu économique et social suite à un retrait ou à un désengagement de l'État. Et ça, c'est des idées qu'on met aussi en cause, ou qu'en tout cas, on questionne pas mal par nos travaux. Donc on va y revenir dans un deuxième temps. Vous verrez que ces deux fils qu'on se propose de tirer un peu devant vous posent tous les deux la question de la participation du monde associatif, ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme ou la néolibéralisation. On y reviendra aussi en conclusion et voilà, on sera ravis d'avoir une discussion aussi avec vous sur ces questions-là. Je voudrais, avant de rentrer un peu plus dans le propos, m'excuser d'avance, en tout cas pour mon propos, sur le caractère... On a eu un effort de synthèse pour présenter un peu nos travaux à partir d'un seul fil. c'est pas mal d'enquêtes, c'est deux chercheurs aussi, donc on a essayé de tenir ensemble avec un fil finalement de différents travaux. Du coup, pour vous présenter cette approche, du coup, on va évidemment survoler les enquêtes précises qu'on a pu mener, on va les évoquer, mais on ne rentrera pas du tout dans le détail. Voilà, on sera ravis de revenir dans la discussion plus en détail, ou même dans des questions. Enfin, moi, je n'ai pas de problème à m'arrêter et à répondre à vos questions aussi en cours de propos. Plus en détail aussi sur la présentation des enquêtes, finalement, qui sous-tendent un peu notre propos, de leur méthodologie, de leur rapport au terrain, etc. Donc, il ne faudra pas hésiter aussi à nous interroger là-dessus. Moi, j'ai très peur de pas tenir mon temps, donc voilà. Et encore, j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses que je devrais dire que je pourrais pas dire. Donc voilà, forcément, c'est le jeu. Mais faudra pas hésiter à attraper ces fils-là et à ce qu'on les discute ensuite. Donc cette première partie que j'ai appelée le travail associatif du salariat militant au travail bénévole, penser ensemble travail et engagement. Donc comme ça, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, hein, le monde associatif aujourd'hui, c'est environ 2 millions de salariés, soit l'équivalent de la fonction publique territoriale. Et l'augmentation de la salarisation, alors je dis salarisation parce qu'il y a un mot qui a beaucoup cours dans ce monde-là, c'est la notion de professionnalisation, mais c'est un terme fourre-tout, on met plein de choses dans cette notion-là, donc je préfère pour le moment spécifier de quoi je parle. Et là, la question de la salarisation dans ce secteur, elle s'est faite très rapidement au cours, en gros, de ces 30 dernières années. Donc là, c'est vraiment, je vais me permettre, donc je lui ai dit, et puis de présenter plus spécifiquement les travaux de Mathieu, puisque c'est vraiment son apport premier, hein, d'avoir travaillé sur ces salariés associatifs. Et un des apports des travaux de Mathieu, ça a été largement de montrer que ces travailleurs avaient tout à la fois les fonctions, le profil, les valeurs des gens du public, hein, tout en travaillant dans des conditions proches et parfois même pires, les pires de celles du privé. Donc les fonctions, là je vous renvoie à son livre « Les métamorphoses du monde associatif » et à ce plan factoriel des activités associatives, hein, qui présente, où il montre en fait combien les salariés associatifs exercent des fonctions publiques, donc sans avoir le statut de la fonction publique, mais exercent des fonctions publiques au sens des missions qui relèvent de l'état social, hein, activités d'assistance, de soins, d'éducation, de formation. Et je pense qu'il va y revenir dans la deuxième partie. Donc fonction publique, le profil, hein, beaucoup de jeunes femmes, assez diplômées, parfois très diplômées, une grande partie d'entre elles étant des enfants, une partie importante, notable d'entre elles étant des enfants d'enseignants. Et on peut imaginer pour une partie d'entre elles en tout cas, et c'est une des hypothèses proposées par Mathieu, que l'emploi dans le monde associatif constitue en partie un choix par défaut, faute de place dans la fonction publique. Donc ce lien qui est construit donc aussi à travers le profil de ces salariés, et puis les valeurs, la rhétorique, l'idéologie professionnelle autour de l'intérêt général, de l'utilité sociale, etc., qui rapproche finalement ces salariés des gens du public, et en même temps des conditions de travail, évidemment, qui ne sont pas celles de la fonction publique, avec beaucoup, même si on pourrait revenir aussi sur le travail dans les services publics, mais en tout cas, beaucoup de contrats précaires, notamment de contrats aidés, beaucoup de temps partiel, importance de la pluriactivité, des pluriemployeurs, des horaires atypiques et surtout une moindre rémunération des salariés associatifs, avec notamment des enquêtes qui ont été menées au départ aux États-Unis par une économiste qui s'appelle Anne Preston sur ce différentiel de salaire, en fait, toutes choses égales par ailleurs. Alors là aussi, on questionnait cette notion-là, mais en gros, à salaire, emploi, diplôme, etc., constant, un différentiel de 18 à 20% de moins, donc pour les salariés du secteur associatif, différentiel qu'elle analyse en termes de labor donation, donc un don de travail, analyse qui ont été reconduites en France par Mathieu Narcy notamment, dont on a publié dans le livre qui est en train de circuler là, un article sur les donc ce don de travail des salariés associatifs et ce différentiel qui est, donc ils ont trouvé les mêmes différences, ils ont trouvé à peu près un 18-20% même chose, les chercheurs français ont travaillé là-dessus avec cette idée que finalement ce serait peut-être pour le dire tout de suite, à la fois il nous semble que c'est des études extrêmement importantes et intéressantes, c'est pour ça qu'on les a publiées, tout en les questionnant dans leur analyse et dans leur construction analytique autour de labor donation, en questionnant notamment ce qu'on a fait un peu tous les deux, et notamment dans le bouquin, en soulignant les interrogations qu'on pouvait avoir par rapport à la généralisation de cette approche en termes de dons, de motivation intrinsèque, de choix, donc derrière, à ce sacrifice du salaire contre la motivation autour de l'engagement, l'utilité sociale de l'activité, etc. Du coup, cette question-là qu'on a posée donc, à ces approches, est-ce que la dimension engagée, militante, utile, d'utilité sociale du travail associatif doit nécessairement conduire au sacrifice des conditions de son travail et de sa valorisation monétaire? Cette question qu'on peut poser, qu'on a posée avec d'autres à la théorie économique du labor donation, c'est aussi une question qui a été mise au cœur des discussions publiques, hein, au cœur de la place publique, et au cœur du programme notamment, enfin, par un acteur particulier qui est le syndicat ASSO, qui est apparu en 2010, Action des salariés du secteur associatif, qui est un nouveau syndicat donc apparu en 2010 en France, qui est aujourd'hui affilié à l'Union syndicale solidaire. Donc nous avons suivi la genèse avec Mathieu, donc des tout premières discussions à quelques personnes jusqu'à la constitution et le développement de ce syndicat, et rapporté donc quelques éléments sur la construction de ce syndicat dans l'article qui vous a été donné, que j'évoquais en accompagnement de cette séance. Et du coup, c'est ça que je voulais vous passer, c'est la petite image que je voulais, le petit spot que je voulais vous passer. Alors, vous voyez, ouais, on peut... Ça marche. On peut mettre le son. Je voulais vous passer, donc ça c'était un petit spot qu'Asso avait diffusé au moment des élections professionnelles de 2012. Hein. Et on voit comment donc mettre en forme finalement cette question des contradictions possibles entre le travail et l'engagement dans le salariat associatif. Vous notez d'ailleurs qu'ils disent action des travailleurs en fait du secteur associatif, et c'est intéressant, on va y revenir un petit peu. D'avoir en tête que les fondateurs, on l'explique un peu dans l'article, les fondateurs, enfin en tout cas certains des premiers membres fondateurs du secteur ASSO sont issus de générations précaires, donc l'association qui s'est mobilisée autour du droit des stagiaires et de l'usage et de la vue du stage dans les différents secteurs économiques. Donc la naissance d'ASSO et la grève des salariés d'Emmaüs, qui sont deux événements qui sont apparus en 2010 à très peu de temps finalement d'intervalle. On les a suivis tous les deux, on les a analysés tous les deux, parce qu'ils nous ont semblé deux événements assez symptomatiques d'un début de prise de conscience de la question du travail dans le monde associatif, de ses spécificités, mais aussi de ses contradictions. Et en même temps, dans ces deux cas, on voit bien toute la difficulté des travailleurs associatifs à se mobiliser et à dire le conflit dans les termes, avec les répertoires d'action, des relations professionnelles. Cette notion de relations professionnelles, bon, je vais pas la développer là, mais ça nous a tellement interpellés qu'on a entrepris du coup une grosse enquête sur la question des relations professionnelle dans ce secteur associatif et plus largement dans le secteur de l'économie sociale sur l'Île-de-France, donc associations mutuelles et coopératives. Et on pourra vous en reparler. Mais en tout cas, ce qui était intéressant avec ce moment finalement de cristallisation qui se joue avec la naissance d'Asso et la grève à Emmaüs, c'est qu'on voit bien tous les verrous qu'il faut faire sauter pour pouvoir dire, exprimer, construire le conflit. Dans les réunions d'asso, toute la question autour de l'employeur, par exemple. L'employeur, c'est qui? Et puis, quand on arrive à l'identifier, bah, c'est un copain, il est militant, on a monté l'asso ensemble, etc. Donc, c'est pas contre lui que je vais pouvoir me retourner. La question et si je fais trop de bruit autour du conflit, quel effet ça va avoir sur la cause de l'association, etc. Les premières réunions d'asso, on l'évoque dans l'article, dans les premières réunions d'asso, ça fait penser aux réunions des alcooliques anonymes. Les gens se lèvent et disent « Bonjour, je m'appelle Marie, je travaille dans une association de la lutte contre le sida », mais ils veulent pas dire le nom de la structure. Généralement, après la phrase d'après, c'est pas le monde des bisounours. Donc cette expression, elle revient en permanence. Donc on raconte des conflits, des difficultés, des rapports interpersonnels, difficiles, etc. Mais on veut pas dire le nom de la structure, on veut pas nommer. Souvent, on dit même pas son propre nom, on dit juste son prénom. Donc voilà. De même, quand on a interviewé un délégué syndical qu'on a rencontré autour du conflit à Emmaüs, nous explique toute la difficulté qu'il avait à mobiliser syndicalement, et il dit « mais de toute façon, les gens, ils continuent encore à m'appeler monsieur syndic ». Donc l'idée même de syndicat n'est pas du tout évidente pour les salariés d'Emmaüs, pour ses collègues. Donc même là où finalement le conflit finalement s'est construit, a été visible, a été mis en avant, on constate ces difficultés à mobiliser les travailleurs du fait de la cause, du fait de l'engagement. Et d'emblée, on se doit de remarquer que les compagnons d'Emmaüs, par exemple, qui sont pourtant les plus précaires de tous les acteurs de l'association, de la structure, n'ont pas été mobilisés, malgré l'effort des salariés pour essayer de les faire venir dans les débats, dans les réunions, etc. Quant aux bénévoles, intervenants bénévoles de la structure, ils ont pu participer, mais simplement ponctuellement, individuellement, au conflit, soutenir les salariés dans certaines réunions, mais on n'a pas de représentation collective des intervenants bénévoles autour de ce conflit du travail à Emmaüs. Et donc, je glisse là vers cette idée que, et c'est ce qui me semble aussi important de porter un petit peu dans ce regard sur le monde associatif, c'est... Le monde associatif, certes, c'est 2 millions de salariés, mais parler du travail associatif, c'est pas uniquement parler de l'emploi associatif, même s'il y a un besoin fort de rendre visible cet emploi, ses conditions et ses relations. Mais c'est aussi le monde associatif comme monde du travail, plus de 15 millions de bénévoles en France, 35 000 jeunes en service civique, donc la forme de volontariat qui est aujourd'hui la forme dominante. Avec un objectif quand même de 100 000 jeunes à la fin du quinquennat de François Hollande, donc on commence à arriver dans des chiffres importants. Le monde associatif aussi, c'est 500 000 personnes en contrat d'engagement éducatif, animateurs volontaires, qui dirigent ou qui font marcher les colos, les centres de loisirs. Et là, les rapports entre travail et engagement sont, j'ai envie de dire, à la fois plus simples et plus extrêmes, puisque la dimension de l'engagement n'entre plus simplement en contradiction avec celle du travail, mais elle la masque, elle la nie en quelque sorte. L'engagement, la citoyenneté peuvent participer à ce qu'on a appelé avec John Krinsky dans un dossier qu'on avait coordonné à Société Contemporaine, peuvent participer à un déni de travail, à des processus d'invisibilisation du travail. Et ça nous semble important aussi de souligner que finalement... On peut parler d'un voile de la citoyenneté qui masque la dimension du travail et qu'il me semble important de lever dans ce même mouvement qu'a été celui des féministes quand elles ont parlé de ce voile de l'amour, de la famille, du devoir conjugal, et qu'elles ont décidé de le lever pour analyser les activités domestiques comme du travail. Et du coup, repenser aussi notre définition du travail, mais aussi de l'amour, de la famille, du couple, etc. Et du coup, je voudrais vous donner quelques exemples. Donc là, je rentre un peu plus dans mes propres terrains de recherche. Quelques exemples de la production de ce déni de travail ou de la manière dont le monde associatif peut participer à cette invisibilisation du travail aujourd'hui, avec deux statuts que j'ai évoqués, hybrides, que sont ce volontariat et ce contrat d'engagement éducatif. Donc, je vais partir pour la question du volontariat, partir d'un extrait d'entretien que j'ai réalisé en 2004 avec un jeune garçon qui s'appelle Marc, qui a une vingtaine d'années à l'époque. Donc il vit dans un foyer de jeunes travailleurs de la région parisienne. Il est titulaire d'un BEP de comptabilité. Il a été vendeur, agent de médiation dans les bus. Il a fait de l'animation dans les maisons de quartier en intérim, me dit-il. Et juste avant que je le rencontre, il a fait pendant quelques mois de la surveillance dans les cantines scolaires. Et moi, quand je le rencontre, donc, il est volontaire depuis quelques mois, sous le statut donc, qui existe à l'époque, qui est l'ancêtre, un des ancêtres, parce que je ne vais pas rentrer maintenant, je pourrais le faire si ça vous intéresse, mais dans toute la législation autour du volontariat. Mais donc le volontariat, quand même, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qui est un statut aujourd'hui, hein, c'est des pratiques d'engagement dans le secteur associatif, mais aussi dans les collectivités locales, qui sont sur une durée déterminée, avec un temps plein ou en tout cas un nombre d'heures défini par semaine, qui ouvre droit à une indemnité et à la prise en charge des droits sociaux, de certains droits sociaux. Et donc à l'époque, on est en 2004, le statut qui existe, c'est celui du volontariat civil, hein, qui a été mis en place par Jacques Chirac. Donc pour le dire vite, il a une partie de sa protection sociale qui est prise en charge et il touche 570 euros d'indemnité par mois. Marc. Et donc il est engagé à Unicité, quand je l'interviewe, donc, qui est une association qui propose depuis la deuxième moitié des années 90 des programmes de services solidaires pour les jeunes, inspirés directement de programmes américains. Donc là aussi je ne rentre pas dans cette histoire-là, mais vrai intérêt à voir le transfert en fait culturel qui a été produit par cette association, et qui est une petite association mais qui va jouer un rôle très très fort de lobbying et qui va être fortement reconnue par les pouvoirs publics et utilisé un peu comme modèle pour généraliser cette expérience à l'ensemble de la jeunesse. Et en gros, on doit un peu, après des années de bagarre et de lobbying, on doit en gros le service civique qu'on a aujourd'hui au travail d'Unicité. Donc tout au long de l'entretien, Marc utilise les termes de travail, boulot, taf, pour me parler de son volontariat dans l'association. Alors qu'il vient de me dire, je vois la différence entre bénévolat et volontariat quand on travaille, nous, avec des bénévoles. Il se reprend soudain, un peu ennuyé, et il cherche alors à se corriger, et il me dit « Ouais, en plus, déjà, faut pas dire travail. » Donc je lui dis « Pourquoi faut pas dire travail ?» Il me dit « Bah, parce que c'est pas un travail, en fait, c'est un engagement. C'est un engagement pour être volontaire. C'est plus une idée d'engagement dans le sens où, je sais pas, en fait, quand on travaille... Par exemple, si demain, je travaille dans n'importe quel truc, et ben, comme je travaille, j'ai le droit de quitter le boulot, ou de... alors que là, c'est différent. Vu qu'on est volontaire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que... Enfin, c'est pas pareil. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus profond que d'aller signer un CDD ou un CDI. Quand je lui demande si ces questions-là sont abordées dans le cadre de l'association, Marc me répond que si, ils en parlent, et qu'on les reprend souvent quand ils, donc les volontaires, disent travail. Il me dit, mais ils, donc les salariés de l'association, nous reprennent souvent parce que eux, ils se battent justement pour que l'image du volontariat, ce soit l'image du volontariat, ce soit pas l'image d'un travail. Ils veulent différencier le travail et le volontaire. Ils se battent pour ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que machinalement, nous, on dit « ouais, je vais au boulot ». Bien qu'il essaye visiblement de reprendre à son compte ce discours de l'association, c'est pas du travail, c'est de l'engagement, Marc le questionne pourtant un peu plus loin dans l'entretien et m'explique qu'il a été malade la semaine passée et que lorsqu'il a prévenu l'association, on lui a demandé de ramener un arrêt de travail. Donc il me dit « c'est là où ça diffère en fait, j'ai même posé la question, mais on me dit que c'est pas un travail ». Mais si on est malade, il faut un arrêt de travail. Un certificat médical, ça ne marche pas. Alors, j'aime bien cet extrait d'entretien parce que je pense qu'il permet de voir la complexité de ces rapports entre travail et engagement, et surtout, il permet de l'attraper à différentes échelles. Et c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'il faut garder en tête quand on analyse ces questions-là, notamment de manière critique. Il permet de l'attraper à son niveau à lui, où il dit « travail ». Il dit le boulot, il dira aussi la paye, il parle de l'indemnité des 570 euros. Hein. Et en même temps, on entend bien, et il le dit là, et il le dit à d'autres moments dans l'entretien, que c'est pas n'importe quel boulot. C'est un boulot engagé, c'est un boulot qui a du sens. Marc, il le dit là, il veut travailler dans l'humanitaire, il l'a dit à la mission locale, et c'est comme ça qu'on l'a adressé vers le volontariat d'Unicité. Cette ambiguïté, elle est là aussi à un autre niveau, celui de l'association, où on lui dit de ne pas dire travail, on le reprend quand il dit travail, et en même temps, on lui demande un arrêt de travail quand il est absent. Et puis, elle est là aussi, évidemment, à ce niveau politique, hein, qui n'est pas directement explicite dans son entretien, mais qu'il faut attraper derrière, où on élabore des statuts qui permettent à cette association de demander un arrêt de travail à Marc, statuts qui pourtant sont construits complètement en dehors du droit du travail, hein, puisqu'il est question uniquement de citoyenneté, d'engagement des jeunes. Hein. Je vous donne quand même, pour avoir un peu en oreille, j'ai envie de dire, la rhétorique politique qui accompagne la mise en place de ces statuts, hein, notamment du service civique en l'occurrence, parce que j'ai pris une citation de Martin Hirsch en 2009, hein, quand il présente le service civique devant le Sénat, il annonce qu'il s'agit là d'assouvir un désir d'engagement chez ces jeunes qu'il exprime si souvent. Ce service civique rassemblera, mobilisera, épanouira l'engagement. Nous n'avons pas le droit de décevoir les espoirs, de ne pas saisir les mains empreintes de bonne volonté, de tarir cette soif d'engagement, de ne pas répondre à ces élans de générosité. Donc au nom de l'engagement, on voit bien comment le monde associatif participe. Alors le monde associatif, peut-être c'est une question que vous me poserez aussi, qu'est-ce qu'on met, hein, et on pourrait y revenir derrière ce terme, hein. On met aussi bien les associations en tant que structure, organisation, loi 1901, hein. Mais on met aussi, et je pense que c'est pour ça qu'on s'autorise, malgré toute la diversité de l'espace associatif, et on pourra y revenir, on met aussi tous les deux le fait que le monde associatif est aussi construit en inter-associatif et qu'il y a aussi des organisations qui le représentent politiquement, notamment face au pouvoir public, comme la conférence permanente des coordinations associatives. Qui s'appelle maintenant le mouvement associatif. Ouais, c'est intéressant. Qui s'appelle maintenant le mouvement associatif, qui a changé de nom, et qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions associatives. Officielle, on va dire. Donc le monde associatif, c'est aussi cet espace structuré d'une représentation finalement des intérêts de ces associations et qui ont participé fortement, se sont mobilisés autour de l'instauration, l'institutionnalisation d'un statut qui est un statut donc en partie au moins... pour une partie des jeunes, un statut qui ressemble finalement à un statut de sous-emploi, en tout cas dans la manière dont c'est vécu par Marc, ça ressemble à un statut de sous-emploi, mais un statut de sous-emploi non reconnu comme du travail, permettant néanmoins de mettre en activité, et hors des chiffres du chômage, il ne faut pas l'oublier, donc toute une partie de la jeunesse. Hein. Donc voilà pour un premier exemple. Autre exemple, celui du contrat d'engagement éducatif sur lequel on a travaillé avec Francis Lebon. Hein. On a publié une note de l'Institut européen du salariat sur cette question-là, que vous pouvez attraper sur le site de l'IES. Donc toute cette histoire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez suivi un peu cette polémique qu'il y a eu autour du contrat d'engagement éducatif. Donc en gros, ce contrat, il a été voté en 2006, hein, pour résoudre un problème autour de ces animateurs volontaires donc qui interviennent dans les colos, dans les centres de loisirs, qui n'arrêtaient pas de tomber sous le coup de l'inspection du travail, où on leur disait, on disait aux associations, mais qu'est-ce que c'est que le statut exactement? Ça correspondait plus à l'annexe 2 de la convention collective, était devenue finalement hors la loi, et donc il fallait trouver un statut pour ces animateurs volontaires. Les associations se sont mobilisées, et on a créé ce contrat d'engagement. Donc c'est Jean-François Lamour qui a fait passer ce contrat d'engagement éducatif, qui, comme son nom ne l'indique pas, contrat d'engagement éducatif, est bien inscrit dans le droit du travail, mais en y dérogeant en grande partie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est voté en 2006, donc, et qu'immédiatement, il y a une union syndicale solidaire en Isère qui va attaquer ce contrat-là devant le Conseil d'État en disant que sur plusieurs points, il ne respecte pas le droit du travail, que c'est un scandale. Le Conseil d'État va être un peu ambigu là-dessus, va se retourner, va monter jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, donc ça met un temps fou, hein, finalement, le temps que la Cour de justice rende son avis. En gros, en 2011, finalement, la Cour de justice de l'Union européenne annonce qu'effectivement, ce contrat ne permet pas de garantir à ces travailleurs une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures, et donc il est contraire au droit du travail européen et qu'il faut trouver autre chose parce que ça ne marche pas. Donc elle se retourne vers le Conseil d'État qui demande une résolution. Et en fait, ce qui va être adopté en 2012, c'est des nouvelles dispositions dérogatoires. Hein. Donc on va approfondir finalement la dérogation pour essayer de trouver des moyens de compenser ce repos compensateur. Donc c'est assez compliqué, c'est assez technique, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les associations donc, autour de ce secteur de l'animation, hein, qui fournissent finalement ces services d'accueil collectif des mineurs, hein, les colos et puis les centres de loisirs, vont mener toute une campagne dans la presse en disant, si on nous demande de salarier tout ce monde-là, on ne pourra plus faire partir les gamins en colo, donc est-ce que c'est bien ça que vous nous demandez? Et deuxième argument qui, à la limite, m'intéresse plus ici, Il y a toute une argumentation qui est construite autour des grandes par les grandes associations du secteur qui vont contester finalement la catégorie mobilisée à la fois par la Cour de justice de l'Union européenne et par l'Union syndicale solidaire pour qualifier l'activité de ces personnes sous contrat d'engagement éducatif. Et on retrouve exactement cette même rhétorique. Ce n'est pas du travail, c'est de l'engagement. Et on a c'est ce que vont dire une grande partie des responsables de ces grandes associations. Je pense par exemple à Jean-Marc Poirant, de la Ligue de l'enseignement, qui va dire clairement, c'est terme, hein, ça n'est pas du travail, c'est de l'engagement. Les jeunes, les animateurs volontaires, donc c'est pas du travail, c'est de l'engagement. Si les jeunes veulent travailler, ils vont bosser chez McDo. Donc voilà, on n'est pas dans le travail, on est dans l'engagement. D'où la solution à la crise que ces associations vont porter et mettre en avant à travers une plateforme collective, supprimer ce contrat d'engagement éducatif et instituer à la place un volontariat de l'animation. Donc elles proposent de sortir complètement du droit du travail et de se raccrocher au statut aujourd'hui donc bien installé du service civique. Et donc, finalement, de grossir ces rangs du volontariat et de s'extraire complètement finalement du droit du travail. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je vais peut-être... j'ai encore un peu de temps. Bon, je voudrais peut-être terminer en soulignant deux enjeux en fait autour de ces questions-là sur la manière dont finalement, quand on regarde le travail dans le monde associatif, on voit aussi combien ce monde associatif comme monde du travail pose des questions critiques au monde associatif comme monde de l'engagement. C'est-à-dire comme terme de mouvement, hein, comme mouvement social aussi, comme lieu de résistance finalement au projet néolibéral. Hein. Il y a toute une partie du monde associatif qui se construit aussi comme cet espace d'alternative et de lieu de résistance. Et je pense que l'analyse du monde associatif comme monde du travail interroge vraiment, parfois un peu douloureusement même, ces dimensions-là, au moins douloureusement j'ai envie de dire, peut-être encore plus pour le chercheur que pour les acteurs. En tout cas, c'est partagé, parce que il y a un travail de désenchantement qui n'est pas toujours complètement facile à faire. Au moins à deux niveaux. D'abord, dans un enjeu de reproduction et même, j'ai envie de dire, de renforcement des inégalités sociales par l'engagement. Hein ? Finalement, quand on tient ensemble la question du travail et de l'engagement, on arrive parfois, dans certains cas, à la conclusion inverse au projet associatif qui était celui de réparer finalement une partie du monde associatif se pose comme voulant réparer dans l'espace associatif par l'engagement les inégalités sociales donc tout cet espace finalement d'émancipation. Et là on voit combien finalement l'engagement peut constituer un plus valorisable pour ceux qui sont déjà bien insérés, bien intégrés, notamment sur le marché du travail ou qui ont des chances objectives d'insertion relativement élevées, et une forme de sacrifice finalement pour les autres. Je pense par exemple, donc, pour poursuivre sur cette question du volontariat, hein, je vous ai donné cet exemple de Marc, plus largement, les enquêtes de terrain que j'ai pu mener, ou d'autres comme Stéphanie Lisa aussi, ont pu mener sur les usages sociaux du volontariat en fait, puisque il faut avoir vraiment en tête qu'il y a une rhétorique de citoyenneté, d'engagement, etc. Il y a aussi une rhétorique de mixité sociale et de diversité sociale. Et l'idée qu'on va réunir, hein, notamment l'engagement, par exemple, de Jacques Chirac autour des statuts du volontariat, ça s'est fait notamment au moment de la crise. Il a fortement investi cet outil-là, on va dire, au moment de la crise des banlieues, en disant les jeunes des quartiers vont aller dans le centre-ville et les jeunes du centre-ville iront dans les quartiers. Ça sera un outil de mixité sociale. Aux États-Unis, ça a été très fortement ça. C'est-à-dire l'idée que la diversity est l'idée qu'on va réunir, hein, différentes jeunesses sous ce même statut. Et en fait, ce que mettent assez bien en lumière les enquêtes sur les usages sociaux de ces statuts d'engagement, moi j'avais essayé de condenser ça dans une formule un peu choc, super bénévolat pour les enfants des classes moyennes ou des classes supérieures. L'expérience du volontariat ressemble davantage à une expérience de sous-emploi pour les enfants des classes populaires, hein, comme Marc. Et on retrouve ça à plein niveau dans la manière dont il rentre dans le statut. Hein. Je me disais, quand Marc nous dit qu'il a été voir la mission locale et qu'il leur a dit qu'il veut travailler dans le secteur associatif et qu'on l'adresse finalement vers ce statut du volontariat, dans la manière dont ils en sortent aussi, hein, souvent parce qu'ils ont trouvé un autre boulot, mieux payé, etc. Et puis dans la manière, je crois que ça se cristallise aussi fortement, dans la manière dont ils décrivent cette indemnité, hein, dont les textes de loi précisent bien en permanence que ce n'est pas la rémunération d'un travail, ni même d'une activité, mais c'est une indemnité. la réalité objective, c'est que pour Marc, ça fait fonction de revenus. Et c'est pour ça qu'il nous dit la paye, parce qu'il vit avec ses 570 euros uniquement. Là où d'autres enfants ou jeunes issus d'autres milieux sociaux vous disent « Mais pour moi, les 570 euros, c'est de l'argent de poche. C'est mes parents qui payent mon appart ou je vis chez mes parents et ils financent ma vie, etc. » Donc, argent de poche pour les uns, paye pour les autres. Donc, ces usages sociaux très forts se retrouvent aussi. Alors là, j'en ai moins parlé pour le moment, mais c'est pourtant mon objet d'étude principale, mais on pourra en discuter après. Là, se retrouve aussi dans la question du bénévolat aujourd'hui, et du travail bénévole. Hein. Alors, j'ai en tête, par exemple, cette confrontation entre, d'un côté, le bénévolat de compétences qui s'est développé pas mal en France ces dernières années, qui vise un certain public particulier, qui est celui des cadres, des professionnels, qu'on vient chercher finalement sur leur lieu de travail, dans leurs compétences professionnelles, en leur disant, ben voilà, vous êtes DRH, vous êtes, etc., vous avez ces compétences-là, est-ce que vous voulez bien les mettre à profit pendant 4 mois pour un bénévolat de compétences dans une association, pour aider par exemple la Croix-Rouge à remettre en place son service de gestion des ressources humaines ou à aider le Secours populaire, etc. Donc on vient chercher finalement à partir de vos compétences professionnelles et on vous offre la possibilité de les mobiliser dans le cadre de l'engagement, effectivement, dans ce travail bénévole. Et ça permet, quand on interroge les acteurs qui sont engagés dans ce type de pratique, à la fois d'ouvrir son réseau social, de développer ses compétences professionnelles, de trouver un sens aussi à son activité. Donc on voit bien tout le plus que ça apporte, tout ce qu'on peut à la fois valoriser finalement autour de son travail pour ces catégories socioprofessionnelles-là. Et en contrepoint, j'ai envie de dire, l'exemple par exemple de Mathilde, que je reprends à plusieurs moments dans mon bouquin, qui est une femme qui est diplômée mais qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle rémunérée, qui a choisi, dit-elle, donc une carrière de bénévole, hein, une carrière invisible pendant son mariage, de s'engager dans des associations, c'était, elle le présente comme son choix. Et puis à 50 ans, un divorce difficile et une séparation, il faut qu'elle trouve un emploi et Mathilde essaye de rentrer sur le marché du travail rémunéré. On lui répond en permanence qu'à diplôme égal, on préfère prendre quelqu'un de plus jeune qu'elle et elle répond « pour moi, reste le bénévolat ». Donc on voit bien comment finalement on se retrouve avec d'un côté ceux pour qui on est dans un au-delà de l'emploi, pour reprendre les termes de Supio, qui a réfléchi un peu à ces questions de travail bénévole. Hein. Pour certains, effectivement, on est dans l'au-delà de l'emploi et un au-delà de l'emploi qu'on peut valoriser aussi, finalement, dans cet espace du travail rémunéré et de l'activité professionnelle de plein de manières différentes, hein, je veux dire, aussi bien symboliquement qu'idéalement qu'objectivement. Et puis, d'autres pour qui on est clairement dans un en-deçà de l'emploi, même s'il est engagé avec des valeurs, etc. Un en-deçà de l'emploi qui, effectivement, ressemble plus à un sacrifice, au mieux, servira de tremplin, comme c'est ce qu'espère effectivement Marc avec son engagement volontaire. Donc ça, je crois que c'est un premier enjeu qui questionne finalement le monde associatif comme monde de l'engagement dans un de ces projets d'émancipation assez fondamental, c'est-à-dire cette idée finalement de compenser là où on se trouve, les inégalités, et on se retrouve avec des formes de reproduction finalement de rapports sociaux et parfois même, en tout cas pour le volontariat, à mon sens, de forme de rapport de classe, très clairement dans l'engagement. Premier enjeu, donc. Autre enjeu qui me semble important, qui questionne aussi le monde associatif comme monde de l'engagement, l'enjeu de la désinstitutionnalisation du travail à laquelle le monde associatif participe finalement avec cette invisibilisation du travail. Alors oui, à un niveau évidemment strictement juridique, hein, je pense très clairement, on fait rentrer dans la loi, dans les textes, des statuts qui dérogent plus ou moins au droit du travail. Et donc, on les institue, donc on participe à institutionnaliser finalement des statuts où on n'a pas tous les droits sociaux. Hein, par exemple, le volontariat, on ne cotise pas au chômage quand on est volontaire, on n'a pas accès au prud'homme, etc. Donc voilà, il y a des statuts. Vous vous retrouvez finalement avec des acteurs du monde associatif qui n'ont pas tous ces droits sociaux-là. On parlait du droit de repos, au repos hebdomadaire pour le contrat d'engagement éducatif, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans cette analyse de la... Il faut aller plus loin que dans le cadre de la question juste du statut, dans cette analyse de la désinstitutionnalisation du travail. Il faut aller plus loin, par exemple, en gardant en tête ce qu'on ne voit pas si on pense uniquement engagement. Quand on pense le volontariat uniquement comme une forme d'engagement, on le voit comme un engagement associatif. Quand on le regarde comme une forme de travail, et qu'on regarde donc qui finance l'engagement associatif, enfin, qui finance le volontariat, aujourd'hui le service civique, alors ce n'était pas le cas pour les autres les autres dispositifs de volontariat, mais c'est le cas avec le service civique. Aujourd'hui, l'indemnité du jeune en service civique, c'est l'État qui la paye. Donc, en termes d'engagement, c'est un engagement associatif. En termes de travail, c'est un travailleur du secteur public. C'est un travailleur payé par l'État. Et c'est un travailleur payé par l'État, donc à 540 euros par mois aujourd'hui pour le volontariat. C'est un travailleur payé par l'État sans le droit du travail, sans l'accès a priori au syndicalisme, etc. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, et qu'il faut avoir ça en tête aussi quand on réfléchit sur la question du financement du monde associatif. Je pense que c'est des enjeux forts. Et que quand, par exemple, les financements associatifs se transforment pour aller vers des financements en termes de subventions, où on peut embaucher des salariés avec ça, et qui deviennent des financements sur des programmes comme celui du volontariat, où on incite très fortement les associations à prendre des volontaires, puisqu'il y a un objectif d'arriver à 100 000 à la fin du quinquennat, donc on les incite fortement à prendre, on est dans des transformations aussi très réelles du statut du travail dans le secteur associatif. Donc c'est aussi ça la question de la désinstitutionnalisation du travail. Et puis c'est aussi une désinstitutionnalisation du travail, pas simplement dans les textes, dans les financements, c'est aussi une désinstitutionnalisation du travail dans les têtes, j'ai envie de dire, dans tout ce que ça construit comme représentation finalement du travail idéal, ou de l'idéal au travail dont ce monde-là peut être porteur, en soulignant finalement qu'un autre travail est possible. L'idée de l'autrement, là, on a joué un peu avec le terme, parce que cette idée de l'autrement, c'est une terminologie qu'on retrouve très fortement, alors peut-être moins dans le monde associatif que plus largement dans l'économie sociale, mais on en reparlera éventuellement, mais il y a bien cette idée qu'un autre travail est possible, qui associerait donc là idéal, réalisation de soi, bonheur, engagement, utilité aux autres, à une absence ou à une faible rémunération, qui pourrait même être la preuve de son engagement dans le travail. Il y a des travaux qui ont porté sur le volontariat associatif. Moi, je l'avais pointé, mais Stéphanie Rizet l'a très bien pointé aussi son étude. C'est qu'en fait, les jeunes qui arrivent à dire « c'est quand même incroyable qu'on fasse tout ça pour 540 euros », c'est ceux qui ne vivent pas avec ces 540 euros. Donc c'est plutôt les jeunes des milieux favorisés qui dénoncent finalement le montant de l'indemnité, là où les jeunes des milieux populaires qui ont du mal, qui vous le disent concrètement, qu'ils ont du mal à vivre avec cet argent-là, ils le disent pour eux, mais ils ne le disent pas fort, et ils n'osent pas le mettre en avant, parce qu'il y a toujours la peur de se faire répondre ou de se faire entendre, mais en fait tu fais ça pour de l'argent. Donc la gratuité ou la faible rémunération, et aussi, et ça va un peu avec ces histoires de labor donation, deviendrait finalement aussi la preuve de son engagement, du don qu'on fait par son travail à son engagement. Des droits sociaux incomplets et puis une désinstitutionnalisation du conflit dans les rapports du travail. Donc est-ce que c'est ça finalement l'idéal du travail qu'on veut porter, donc, cette idée finalement d'une désinstitutionnalisation du travail dans les têtes. Et puis ça pose aussi, et je terminerai là-dessus, la question de la désinstitutionnalisation du travail sur le lieu de travail lui-même, c'est-à-dire du travail comme espace collectif organisé, du travail comme collectif de travail, j'ai envie de dire. Et finalement, les deux enquêtes sur lesquelles moi je suis le plus impliquée depuis ces dernières années autour du bénévolat, c'est vraiment ces questions-là qu'on essaye de questionner, d'attraper. D'un côté, avec mon collègue John Krinsky aux États-Unis, où on s'est intéressé à un secteur public particulier municipal qui est l'entretien des parcs de la ville de New York, et à l'apparition toute une série finalement de travailleurs pas nécessairement reconnus comme des travailleurs dans cet espace public, et notamment l'arrivée massive de bénévoles dans l'entretien des parcs de la ville, à côté de fonctionnaires municipaux, à côté de salariés associatifs, à côté de gens au workfare, donc des gens à l'aide sociale qu'on met au travail dans ces services publics pour qu'ils puissent continuer, sinon ils perdent leur allocation sociale. Donc comment on construit finalement un espace collectif de travail avec la multiplicité de ces statuts-là, c'est une question, et comment finalement ces femmes bénévoles qui vivent au-dessus de Central Park, donc évidemment avec une cartographie sociale très particulière, peuvent construire un collectif de travail avec ces femmes noires au workfare qui vivent au fin fond du Bronx ou de Brooklyn et qui sont en train de nettoyer le parc au même moment, à quelques mètres de là, et de faire parfois les mêmes activités dans le même espace public. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la construction d'un espace collectif de travail avec ces travailleurs-là? C'est une question qu'on pose aussi avec Francis Lebon autour de une enquête qu'on a démarrée sur la mise en place des rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires et l'arrivée finalement de toute une série d'intervenants qui ne sont pas forcément des intervenants donc rémunérés, salariés, mais aussi des bénévoles, des volontaires, etc. Dans l'institution scolaire et comment voilà, on construit finalement des collectifs. Donc je crois que ça c'est aussi une question posée. La participation du monde associatif à l'invisibilisation du travail, c'est aussi sa participation au nom de l'engagement et de la citoyenneté à la mise au travail dans les services publics de travailleurs qui ne sont pas reconnus comme tels. Alors ben, tu as présenté parfaitement les enjeux du travail associatif aujourd'hui. Alors, ça pourrait être perçu, le fait qu'on saisisse, c'est notre parti pris, hein, tu l'as dit en introduction, qu'on saisisse le monde associatif à partir, enfin comme monde du travail, c'est évidemment pas le seul point de vue possible sur le monde associatif, ça je pense que c'est important de le dire. Et puis ça peut donner le sentiment, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, qu'on désenchante hein, beaucoup, ou en tout cas le regard qu'on porte désenchante ce monde associatif qui est souvent dépeint comme porteur d'un esprit associatif, on dit souvent d'ailleurs qu'il perd son âme quand il adopte des pratiques viennent de mondes qui lui sont a priori extérieurs. Certains collègues d'ailleurs le désignent plus ou moins clairement comme relevant d'une autre économie, sans qu'on sache toujours très bien par rapport quelle serait l'autre économie vis-à-vis de laquelle ce monde se définit. Donc ce que je vais essayer de développer pendant le temps qui reste et en essayant de pas vous épuiser totalement, c'est que il est très important de réinscrire les pratiques qu'on décrit et qui se sont développées en gros sur les 30 dernières années dans une dynamique un peu plus longue de ce qu'on pourrait caractériser comme des configurations. Tu avais commencé à utiliser le mot, des configurations historiques du monde associatif. Donc je vous rassure, je ne vais pas partir de la Révolution jusqu'à maintenant, hein, on n'aura pas le temps. Mais c'est très important au moment où, dans la liesse et l'enthousiasme général, la loi sur l'économie sociale et solidaire a été adoptée par l'Assemblée nationale hier soir, ou hier matin. C'est d'ailleurs intéressant de souligner ça, parce que cette loi sur l'économie sociale et solidaire, elle définit sans vraiment le définir le périmètre de l'économie sociale et solidaire. C'est une de ses premières vocations. Et le monde associatif est une dimension très importante, notamment en termes d'emploi, de cette chose qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, puisque c'est plus de 80% de l'emploi quand on prend coopératives, mutuelles, fondations, puisque les fondations sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire d'après la loi. L'essentiel, c'est les associations qui le représentent en termes d'emploi. Cette loi sur l'ESS, elle définit donc les organisations historiques de l'économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, fondations. Mais tout de suite, elle s'empresse, c'est dans ses premiers articles, d'ouvrir potentiellement le périmètre de l'économie sociale et solidaire aux entreprises commerciales. Hein. C'est-à-dire que voilà, dans la loi telle qu'elle a été adoptée, il reste à voir quels seront les décrets, etc. Une entreprise marchande, commerciale, qui développe une politique de RSE, enfin de responsabilité sociale de l'entreprise, pourra potentiellement relever de ce champ de l'économie sociale et solidaire. Donc comment on en arrive là par rapport à un secteur qui historiquement se définit en référence aux associations ouvrières du 19e siècle, enfin, une partie de ce secteur peut se définir par rapport à ça, aux coopératives de production, etc. Comment on en arrive à ça? C'est un autre argument, enfin une autre raison de réinscrire ces pratiques associatives dans un ensemble de configurations historiques qui se sont succédées et que très rapidement on peut résumer autour de... Je retiendrai trois dimensions principales qui structurent ce que j'entends par configuration historique. C'est d'abord le rapport à l'État, qui est évidemment tout à fait central, et notamment rapport à l'État, je veux dire le fait de circonscrire selon les époques et les moments un périmètre déterminé de ce qui relève de l'action publique, pour reprendre la distinction que faisait Bourdieu entre main gauche, main droite de l'État. Main droite, c'est les fonctions régaliennes de l'État. Main gauche, c'est les missions sociales de l'État. Cette bipolarisation de l'État, elle n'a évidemment pas la même structure selon le moment qu'on regarde, puisque, en gros, dans la première moitié du 19e, on est à un moment où on a affaire à un État libéral, dont le périmètre d'intervention est évidemment limité aux fonctions régaliennes. D'ailleurs, dans cette configuration-là, la pratique associative, elle est réservée aux élites, c'est les sociétés philanthropiques, la bienfaisance privée, notamment sous la Restauration, qui a été très bien décrite par les travaux d'historiens. Et le peuple n'a pas sa place, puisque la pratique associative est même interdite par le code pénal. Hein, les articles de 1810 qui seront confirmés en 1834, dans lesquels le regroupement de groupes de plus de 20 personnes est interdit au prétexte de troubles à l'ordre public. Donc ça, c'est un premier élément important, évidemment, le rapport à l'État. Le deuxième élément qui structure ce concept de configuration historique, c'est bien sûr aussi l'idée de société civile. Alors, ça, je vais y revenir. Parce que dans la configuration actuelle, elle joue un rôle tout à fait important. Donc société civile par opposition à l'État bureaucratique. Et société civile, évidemment, dont le droit d'entrée varie là aussi, bien sûr, selon les moments qu'on regarde. Et puis la dernière dimension... Qui structure cet ensemble, c'est évidemment le statut des pratiques associatives à ces différents moments. Maud l'a bien souligné, on est à un moment où ce qu'on appelait des mouvements associatifs qui pouvaient relever de l'éducation populaire, de l'action sociale, de mouvements sportifs, de la culture, etc., se sont transformés très récemment, en branche professionnelle. L'éducation populaire est devenue la branche professionnelle de l'animation, avec une convention collective. Les centres sociaux aussi sont devenus une branche professionnelle. L'aide à domicile, le sport est devenu une branche professionnelle en 2005. Enfin, c'est un mouvement très profond et assez récent hein, sur les 30 dernières années, qui font que les pratiques associatives sont aujourd'hui, pour une partie d'entre elles, identifié comme relevant du travail salarié. Alors, je vais surtout développer donc ce qu'on pourrait appeler, Maud a commencé à introduire le terme, une configuration néolibérale des pratiques associatives qui émerge, qui se construit progressivement à partir de la fin des années 70. Hein. Alors, elle se construit notamment en grande partie par la contribution de ce que certains auraient appelé une nébuleuse réformatrice, hein, c'est Topalov. Je pense notamment à tout un courant politique caractérisé comme relevant de la deuxième gauche, hein, avec des gens comme Michel Rocard, Jacques Delors, qui ont participé, hein, Michel Rocard par exemple, crée en 82 la délégation interministérielle à l'économie sociale, suite à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc il va participer à la restructuration de ces mouvements d'économie sociale et à sa restructuration institutionnelle. D'autres plus jeunes que Michel Rocard, comme Hugues Sibyl, dont on a ici un livre d'entretien qui est tout à fait intéressant puisqu'il est présenté comme identifié comme à l'origine de la notion d'innovation sociale qu'on retrouve dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui est un haut fonctionnaire qui va faire un passage au crédit coopératif et qui va aussi être délégué interministériel à l'économie sociale. Et d'ailleurs, le livre est préfacé par Jacques Delors. Donc ça, c'est pour le champ politique. Il faudrait développer beaucoup plus que j'ai le temps de le faire maintenant, évidemment. Et puis, dans le champ académique, il faut aussi en dire un mot. On a aussi affaire à de ce qu'on pourrait appeler j'aime bien l'expression, des intellectuels organiques de l'économie sociale et solidaire. Donc là-dessus, on peut renvoyer. Il y a déjà des choses chez Fanny Darbus, qui a soutenu une thèse il y a quelques temps, ici, à l'EHESS, qui consacre toute une partie de sa thèse à décrire ces intellectuels organiques de l'économie sociale et solidaire de l'ESS. On peut penser en partie aussi à ce mouvement, le MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, dont une figure emblématique est Alain Caillé. Donc qui se crée dans les années 80, et appartenant à ce courant, proche de ce courant en tout cas, quelqu'un comme Philippe Chagnal, qui enseigne la sociologie aujourd'hui, toujours, qui avait consacré un livre au début des années 2000, un livre qui s'appelle La délicate essence de la démocratie, je crois que ça s'appelle comme ça, où il remet en perspective des grands auteurs, Durkheim, Mauss, Tocqueville évidemment, pour construire ce qu'il appelle une politique de l'association. Et voici ce qui, je vous le cite, il écrit notamment, donc ça c'est, il ramasse le propos à la fin, « L'engagement associatif pourrait ainsi participer de ce que nous aimerions nommer une politique républicaine de la gratitude, et parce qu'il serait collectivement et symboliquement valorisé, il viendrait exprimer et renforcer notre sentiment d'appartenance à la communauté politique. Ainsi pourrions-nous renouer, comme nous y invitait Mauss, mais sans passer pour vieux jeu ou diseur de lieux communs avec ces vieilles notices classiques de filia ou de cette amitié nécessaire, cette communauté, qui constitue bien la délicate essence de la démocratie. » Donc, c'est une citation prise comme ça, mais tout l'ouvrage vise à identifier, si vous voulez, monde associatif et idéal républicain, engagement citoyen, à réinscrire ça dans le cadre maussien du rapport de don. Donc le monde associatif est appréhendé justement comme un monde de rapport de don. Et justement, je prends ce travail-là, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Ils ont pour point commun d'entretenir l'idée qu'on aurait une société civile identifiée dont les membres seraient mus par des affects désintéressés pour la cause publique, pour la chose publique. Et donc on a une identification très systématique entre pratique associative et esprit démocratique, dans une filiation un peu tocquevillienne. Or, on a aussi des travaux qui déconstruisent cette idée un peu abstraite. Je pense notamment au travail de Camille Abidi, qui a fait tout un travail sur la société civile à partir d'associations dans les quartiers populaires, et qui déconstruit très bien ce mythe, justement, de la société civile. Donc voilà, je pense que, sans trop développer ça, que les sciences sociales, enfin une partie des sciences sociales, ont aussi leur rôle dans la consolidation et la légitimation de cette configuration néolibérale des pratiques associatives. Je vais la décliner vite en trois grands points. D'abord, il y a la question, est-ce que dans cette configuration, on a affaire à un retrait de l'État qui serait compensé par le développement de cette ESS, de ce monde associatif qui dans une logique de vase communicant, viendrait compenser cette fameuse crise de l'État-providence, avec des guillemets. Dans un deuxième temps, ce retour, enfin cette mobilisation de la société civile dans le cadre de véritables politiques publiques, et puis dans un troisième temps, si j'y arrive, comment le monde associatif et l'ESS, la tradition de l'ESS à laquelle il peut s'identifier, participe aussi d'une espèce de réenchantement du rapport au travail, dont peuvent faire leur miel les tenants du management dans d'autres secteurs que le secteur associatif. Avec cette idée que tu évoquais un peu, dans le monde associatif, dans l'ESS, on se réalise pleinement parce qu'on travaille pour une cause, et donc on concilie salariat et épanouissement individuel, qui est une idée très très forte dans le management contemporain. Je sais pas si je vais avoir le temps de développer tout ça. Je vais aller assez vite du coup. Désengagement ou réengagement de l'État, donc c'est un point que Maud a commencé à mettre en cause. Si on parle de configuration néolibérale, on peut aussi parler d'État néolibéral, au sens où on a affaire à un État qui organise lui-même son propre retrait, mais ce qui ne signifie pas qu'il est absent. Je prendrai un exemple rapide. Le fait que les financements publics sous forme de subventions diminue objectivement, enfin de ce qu'on en sait en tout cas, si on prend les subventions de l'État aux associations, on a des données qui montrent que ça diminue. Ça ne règle pas toute l'histoire, puisque se sont développées depuis la fin des années 80 des formes assez subtiles d'incitation publique, pardon, à la générosité privée, c'est-à-dire des formes de défiscalisation. Si on peut prendre l'exemple des dons, hein, les dons aux associations, défiscalisables à 75% de l'impôt sur le revenu, ou 66%, ça dépend des causes. Ce qu'on sait, c'est que le montant des dons défiscalisés représente un coût fiscal pour l'État plus important aujourd'hui que le montant des subventions publiques de l'État aux associations. Et ça, c'est hyper récent, c'est sur l'année dernière. Donc voilà, financièrement, enfin du point de vue comptable, c'est très compliqué de mettre en évidence un désengagement financier de l'État au sens large, c'est-à-dire y compris administration de l'État, mais aussi collectivité territoriale, et puis défiscalisation des dons par exemple. Mais surtout, ce qui frappe, c'est que ce mode de financement sous forme de subvention a laissé la place à un mode de financement dans le cadre de commandes publiques vis-à-vis des associations, qui change complètement la donne, puisque dans la subvention, on est dans une configuration antérieure, justement, dans une configuration historique antérieure, où l'État est identifié comme incarnant l'intérêt général, et où il va consacrer une cause associative, justement d'intérêt général, et donc la soutenir au motif que cette cause associative participe de la réalisation de l'intérêt général. Dans le cadre de la commande publique, c'est très différent, puisque l'État impulse généralement un appel d'offres, assigne un cahier des charges à l'association qui va répondre à l'appel d'offres, et puis développe tout un tas d'outils de gestion, d'outils d'évaluation pour vérifier que tous les points du cahier des charges ont été remplis. Et évidemment, ça change complètement le mode de relation au pouvoir public. Alors, on a des données là-dessus, puisque les enquêtes de Viviane Tchernonog sur les budgets associatifs montrent que sur 2005, vous aviez 34% des ressources budgétaires des associations qui relevaient de la subvention, En 2011, c'est passé à 25%. 25% de subventions. Et donc la part de ressources issues de la commande publique, c'est très fortement développé. On pourrait prendre il y a plein d'exemples. On pourrait prendre un des plus frappants, je crois, c'est ce qui s'est passé dans le droit d'asile en 2008, je crois, où la CIMADE avait historiquement le monopole de l'information juridique aux étrangers placés en centre de rétention. Et en 2008, on a basculé dans un régime justement de marché public avec un découpage des centres de rétention administratifs en lots, concurrence du coup entre associations pour répondre à ces commandes publiques. Cahier des charges qui était d'ailleurs tout à fait intéressant de regarder puisqu'il y avait une clause de confidentialité et de neutralité des associations répondant à l'appel d'offres, ce qui n'est pas sans tension. Voilà. Bon, je pourrais développer tout ça dans les questions, puisque dans le cadre de ces financements sous forme de commande publique, vont aussi peut-être se développer des pratiques venues de Grande-Bretagne, qu'on appelle là-bas des pratiques de social impact bond. C'est des pratiques qui sont recommandées, si on peut dire, dans un récent rapport pour l'Institut de l'entreprise, un rapport tout à fait intéressant qui s'appelle Royaume-Uni, l'autre modèle, la Big Society de David Cameron et ses enseignements pour la France, où cette pratique de social impact bond, donc je vous la présente rapidement. L'idée, c'est que des financiers pas solidaires financent des projets sociaux donc portés par des charities. Donc ça peut être par exemple réinsérer des détenus, des anciens détenus. Et si l'évaluation en termes d'impact sociaux, c'est-à-dire en termes de coûts sociaux évités pour la société, c'est-à-dire de policiers en moins, de criminalité en baisse, etc. Si ces indicateurs d'impact sociaux sont au vert, ça veut dire que la dépense publique, on fait une économie de dépense publique, et donc le financier est rétribué dans des proportions non négligeables. Par rapport à la réussite en termes d'impact sociaux de cette action. Donc on a cette pratique qui s'inscrit tout à fait dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui en termes de dépenses publiques. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette dimension, mais l'idée centrale, c'est que vous avez bien compris, conclure d'emblée qu'il y aurait un désengagement de l'État, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'on a une interpénétration entre État et société civile, entre guillemets, qui fait qu'on ne peut pas. Il est évidemment un peu absurde de dissocier les deux de façon radicale. Sur la société civile, il y a aussi énormément de choses à dire, il faut que j'en passe. Il faudrait raconter d'où vient ce retour du terme de société civile. Qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Parce qu'il y a tout un moment dans les années 90, dans la littérature scientifique, où on a ce retour, il y a des ouvrages qui marquent ce retour de ce concept de société civile, qui est aussi saisi dans le cadre de politiques publiques. J'en citerai notamment une à partir d'un rapport encore de l'OCDE. Qui a été publié en 2011 et dont le titre est, enfin, j'ai même pas besoin de développer parce qu'il est, il est tout Together for Better Public Services. J'ai un accent beaucoup moins que ma voisine. Together for Better Public Services, Partnering with Citizens and Civil Society. Donc, dont le contenu est assez conforme à son titre, c'est-à-dire qu'il s'agit de mobiliser la société civile pour coproduire les services publics et faire coproduire les services publics par les citoyens et les administrations publiques. Alors tout ça au nom de cette notion aussi qui revient très souvent, d'innovation sociale. C'est-à-dire que les administrations publiques ne seraient pas innovantes dans ces rapports, on le voit très bien. Et c'est la société civile qui est porteuse d'innovation sociale, et donc c'est elle qui est qu'il faut soutenir pour développer les politiques publiques. Alors, on voit bien que cette notion de société, ce retour de la société civile s'articule très très bien avec une autre notion anglo-saxonne qui connaît aussi un certain succès, qui est celle de l'empowerment. Donc on a aussi tout un discours sur les limites de l'intervention de l'État sous sa forme bureaucratique, et donc la nécessité d'humaniser au nom de la proximité de la société civile avec la demande des citoyens, etc., une action qui va être beaucoup plus efficace parce que menée directement par les citoyens. Il y a un élément aussi que je passe très vite, qui fait système aussi avec toutes ces dimensions, qui est la notion de capital social, qui connaît aussi tout un regain d'intérêt à partir des années 90 avec le célèbre ouvrage de Putnam sur Borrowing Alone, où on a une articulation et un usage aussi de cette notion de capital social par le monde associatif et puis les institutions qui l'encadrent. Puisque ce monde associatif serait le vecteur par excellence de ce capital social, et donc tout un tas de dispositifs, d'outils de gestion qui visent à faire fructifier ce capital social acquis dans le monde associatif par des référentiels de compétences civiques qui permettent de faire valider pour évidemment les valoriser ensuite dans ces CV et sur le marché du travail, l'expérience, les compétences acquises par la pratique associative. Donc je vais très vite, je voulais quand même aborder la troisième dimension de ce qu'on peut entendre par la configuration néolibérale des pratiques associatives, c'est cette fameuse idée cette idée que dans l'ESS, dans le monde associatif, on travaille autrement, et que donc on aurait un espace professionnel d'émancipation de et par le travail. J'en profite d'ailleurs pour dire que il y a un mois, je suis venu ici dans un autre cadre qui était l'association des anciens de l'EHESS, qui consacrait une table ronde à la découverte des métiers de l'ESS, avec l'idée sous-jacente que dans l'enseignement public et la recherche publique, ça va être un peu compliqué, donc peut-être que ce monde-là pourrait correspondre à des profils d'étudiants en sciences sociales, donc je trouve que ça arrête d'être souligné, parce que c'est en plein dedans, là. Donc il y a une littérature abondante de la part de ces institutions de l'ESS qui, évidemment, mettent en avant cet espace de où on travaillerait pour du sens, etc., etc., un peu comme si la journée « j'aime ma boîte », ça serait tous les jours, en fait, et pas qu'une seule fois dans l'année. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui vient du secteur marchand, on peut trouver dans cet espace une manière de réenchanter des activités qui ne sont pas forcément la comptabilité, la finance, la com, c'est pas forcément très rigolo. Et donc il y a évidemment une affinité très forte avec ce que quelqu'un comme Frédéric Lordon caractérise comme l'innovation historique du néolibéralisme, qui consisterait dans le fait que le projet néolibéral serait de faire entrer la mobilisation salariale dans ce qu'il appelle un régime d'affect joyeux intrinsèque, c'est-à-dire que ce qui fait mouvoir les salariés au travail, ce qui les fait se dévouer au travail, ce n'est plus comme peut-être dans le capitalisme industriel où c'est le fait d'acquérir un statut de salarié et la rémunération qui va avec, qui motive peut-être principalement, on a un rapport plus instrumental peut-être à ce moment-là au travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'injonction à s'éclater dans son travail, à aimer sa boîte, etc., etc., sont à concilier passion et travail, sont assez compatibles avec le projet néolibéral de mise au travail tel que peut le décrire quelqu'un comme Lordon. Et donc, on voit bien qu'on est plus aussi dans une configuration où l'épanouissement, l'émancipation se fait en dehors du travail, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé le temps libre, hein, il y a même eu un ministre du temps libre, éphémère, mais où, au contraire, l'émancipation se fait maintenant se ferait maintenant dans et par le travail. Et donc l'ESS participerait aussi d'une certaine façon de cette utopie, d'autant plus que, comme le montrent les enquêtes qu'ont étudié Dominique Médard dans un ouvrage récent et sa collègue Patricia Vondramin, plus on est diplômé, plus on aurait d'attentes intrinsèques à l'égard du travail, c'est-à-dire plus on aurait d'attentes de réalisation individuelle dans le travail. Ce qui, d'après leurs enquêtes, contraste avec les générations antérieures. Et donc, c'est de cette manière qu'on pourrait comprendre que se sont multipliés aussi dans l'enseignement supérieur, dans les grandes écoles, les universités, des formations, dont nous sommes aussi, qui visent à former des professionnels de l'ESS. Hein, ça s'est vraiment multiplié à partir du début des années 2000, hein, vous avez l'ESSEC qui a monté une chaire d'entrepreneuriat social, HEC, une filière alter management, toutes les écoles de commerce de rang peut-être moins prestigieux y ont suivi. Donc maintenant, toute école de commerce a sa chaire d'entrepreneuriat social, et puis dans les universités, je ne vous en parle pas. Et donc toute l'affaire pour peut-être terminer là-dessus, toute l'affaire de cette configuration actuelle, c'est peut-être de tenter de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire il y a cette utopie de travailler autrement qui évidemment est mobilisée par le secteur, par les employeurs du secteur qui jouent beaucoup. C'est intéressant ça aussi de souligner, les employeurs de l'économie sociale et solidaire qui sont organisés en syndicats employeurs, évidemment, pour se différencier des employeurs traditionnels comme le MEDEF, la CGPME, jouent beaucoup sur cette fibre solidaire qu'ils incarneraient par définition. De même que cette tension, cette contradiction, on y insiste dans le papier, cette tension, contradiction dans le syndicat ASSO, elle se caractérise par une difficulté à reproduire une conflictualité au sens capital-travail, qui évidemment est un peu, déconnectée. Enfin, difficile à tenir dans le monde associatif, puisqu'évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même décalque que de rapport salarial. Donc peut-être, et c'est pour ouvrir la discussion, hein, peut-être qu'une manière de dépasser cette tension, finalement, entre l'idéal, l'utopie qu'incarne le monde associatif, l'ESS, en termes de travail autrement, et puis la réalité des pratiques qu'on peut y observer, peut-être une piste, enfin en tout cas moi je le crois, c'est enfin passe par repenser la figure de ce qu'on pourrait appeler un travailleur du non marchand ou un travailleur non marchand, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant, sachant qu'évidemment celle qui s'était historiquement imposée, qui est celle du fonctionnaire, hein, de l'agent public, a quelques plombs dans l'aile, il semblerait. Une des hypothèses que moi je soutiens, c'est que dans ce monde de l'ESS, ce monde associatif, résident peut-être les ferments, les pratiques et les représentations qui pourrait participer d'une réinvention, c'est tout un programme, hein, de, une figure de travailleur non marchand qui n'est pas celle de l'agent public. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, ça c'est tout un programme. Bah, merci beaucoup à vous deux. Je vais pas résumer quoi que ce soit, on va passer directement aux questions. Si vous avez des questions, évidemment. Vas-y. Aujourd'hui, une question plutôt de méthodo, parce que enfin, dans mon travail et moi, je m'intéresse un peu à ces questions-là aussi, mais comment est-ce qu'on arrive à qualifier plus ou moins objectivement ce qui relève du travail et ce qui relève d'autres choses, en fait ? Évidemment, les acteurs ont des constructions sur ce qu'est le travail, ce qu'est le volontariat, ce qu'est le bénévolat, donc ils mobilisent des catégories que l'on peut analyser, mais du coup, comment est-ce qu'on peut dire, en fait, ce qui est effectivement du travail, ou ce qui n'en est pas, ou ce qui est de l'exploitation, ou ce qui est... Enfin, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire tous ces rapports plus ou moins objectifs ? C'est une question difficile, non, mais je me rends compte en le posant. Bah, moi, c'est une grosse question, je viens de dire deux mots là-dessus, puisque moi, j'ai travaillé sur le bénévolat. Donc, a priori, le bénévolat, c'était un objet qui n'était pas du tout attrapé par la sociologie du travail. C'était soit la sociologie politique, soit même quand la sociologie du travail en parlait, c'était pour dire stop, c'est là que s'arrête le champ de nos études. Donc, c'était défini comme le non ou le hors-travail. Et du coup... d'avoir décidé de dire, mais en fait, je fais une sociologie du travail bénévole, ou en tout cas, je vais parler du travail bénévole. Il y avait effectivement un enjeu autour de ça qui a mis du temps à se construire pour moi. Par exemple, au début, j'ai mis des guillemets à travail, et puis j'ai déjà discuté avec la collègue, je m'ai dit, mais non, enfin voilà, ça a été long à faire finalement. Et étonnamment, c'est assez bien passé, c'est ça que je suis toujours surprise, parce que je pensais que je faisais un truc énorme pour les sociologues du travail en leur disant ça, et pas du tout, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça, au contraire, ça a intéressé, ça a débattu. Mais je pense que la réponse, elle n'est pas du tout à un seul niveau, en fait. Moi, je dirais que j'aurais presque une réponse avec un faisceau de réponses, plutôt. C'est-à-dire que, par exemple, la question du travail, pour moi, elle s'est posée parce que dans les entretiens que je faisais, donc là, je remonte à ma thèse 96-2000, donc là, j'ai fait une thèse sur le bénévolat en France et aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'en France comme aux États-Unis, les gens, quand je leur disais « Bonjour, t'es bénévole à la FEV » ou « Vous êtes bénévole à AIDS, est-ce que vous pouvez m'en parler ?» Les gens disaient « Travail ». C'est-à-dire que je les interviewais, ils me disaient « Mon travail ici, le travail que je fais, etc. » Donc d'abord, et aux États-Unis, pareil, « My work, I work here ». La différence étant que c'était considéré comme légitime aux États-Unis, c'est que c'était pas questionné le terme « work ». Les Français, parfois, quand ils réalisaient qu'ils étaient en train de dire travail, ils se corrigeaient dans un deuxième temps, en disant, enfin, travail, voilà. Mais, en même temps, work et travail, c'est pas les mêmes mots non plus. C'est-à-dire qu'eux, ils ont work et labor, nous, on a juste travail, donc voilà. Mais en tout cas, la première dimension qui m'a interpellée, c'est le registre lexical, c'est que les gens mobilisaient ce terme pour parler. Ensuite, quand j'ai fait une analyse des entretiens, parce que moi, du coup, je viens vraiment de la sociologie au début, de l'engagement et tout, c'est ça qui m'intéressait, hein. Quand j'ai fait une analyse des entretiens, je me suis rendu compte que les gens décrivaient systématiquement dans les entretiens, les bénévoles que j'ai interviewés, donc j'ai fait une centaine d'entretiens, hein, dans ma thèse, systématiquement décrivaient ce que j'avais par ailleurs vu dans la sociologie interactionniste des professions, etc., comme le drame social du travail. C'est-à-dire qu'ils définissaient leur rôle, leur place dans une matrice sociale du travail, en disant « je fais ça sur, pour, avec, j'apprends comme ça à faire, donc mon rôle et ma place dans une matrice sociale ». Donc la notion de drame social du travail, par exemple, a été extrêmement féconde pour analyser les entretiens. Et ensuite, peut-être ce qui m'a le plus... toujours dans les entretiens, le fait que systématiquement, dans tous les entretiens, j'avais un lien qui était fait entre l'activité bénévole dont ils étaient en train de parler et leur carrière professionnelle. Que ce soit la carrière professionnelle réelle, idéale, passée, future, etc. Mais ce lien, parfois très objectif, du genre... J'ai été enseignante toute ma vie, je suis à la retraite et maintenant j'ai monté l'association d'accompagnement scolaire, c'est évident pour moi de continuer, voilà. Parfois des choses beaucoup plus intimes, du genre, si je garde un retraité par exemple, mais ça marche partout, dans tous les moments de la carrière, de la vie, parfois j'avais, en fait j'ai toujours rêvé de faire ce métier mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Donc un lien qui était fait entre carrière professionnelle et activité bénévole. Donc moi j'ai une dimension déjà, j'ai envie de dire subjective, c'est-à-dire dans les entretiens, cette dimension du travail, ce lexique et cette thématique du travail reviennent pour la pratique. Après, il y a tout un faisceau de choses beaucoup plus objectives. Le fait que juridiquement, par exemple, il y a des contrats de bénévolat ou des activités bénévoles qui soient requalifiés en contrat de travail. Que les gens considèrent ou ne considèrent pas ça comme du travail. C'est-à-dire que vous pouvez être requalifié, demain vous êtes bénévole, votre activité bénévole peut être requalifiée comme un contrat de travail, même si vous avez le sentiment que vous avez toujours été bénévole, vous n'êtes pas exploité, que ce n'est pas du travail gratuit, que... Donc il y a une définition aussi objective par le droit, c'est une des définitions de ce qu'est le travail, et le bénévolat peut. Et moi je dirais même, je le dis à un moment dans mon bouquin, si tous les bénévoles se pointaient demain devant les tribunaux en disant « tiens, je veux faire requalifier mon contrat de travail en bénévolat », je pense qu'il y en a énormément qui seraient requalifiés juridiquement comme relevant du travail. Parce que c'est pas très compliqué pour être requalifié, enfin, il faut prouver la subordination. Et alors la subordination dans une association, c'est pas très compliqué, hein. Vous n'arrivez pas à n'importe quelle heure quand vous êtes bénévole. Et puis, il faut parfois, il y a le critère de forme d'indemnisation de rémunération, dès qu'il y a un tout petit peu d'argent qui circule, tout de suite ça peut être qualifié. Donc, vraiment, juridique par exemple, si je prenais que la définition juridique, je pense qu'il y a toute une partie des activités bénévoles qu'on pourrait dire, mais ça en fait, juridiquement, c'est du travail, ça relève du contrat de travail, c'est du travail donc dissimulé pour le droit. Donc ça, c'est un faisceau. Après, il y a des choses, il y a toute une série d'indices aussi, le fait qu'à un moment donné, dans ce monde-là, on commence à parler de la professionnalisation des bénévoles, donc on met en place tout. Et puis ensuite, même ça c'était les années, on va dire 90, c'est ma thèse. Et puis là, à partir des années 2000, on parle du management des bénévoles, la gestion des ressources humaines bénévoles. Donc il y a aussi toute une activité de construction du monde associatif, de l'engagement comme un travail. C'est-à-dire qu'on emprunte des textes, c'est un peu aussi... Enfin, cette circulation entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, ça va aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le monde de l'entreprise qui a intérêt à utiliser des techniques de management, mais il y a aussi le monde associatif qui se dit, bah tiens, on va faire des entretiens, on va faire du suivi de l'activité, on va leur faire des bilans, on va leur expliquer qu'ils peuvent valoriser leurs compétences bénévoles. Donc il y a aussi toute une construction finalement. Donc là, on voit bien que le terme de travail, il est pris dans un autre sens. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas une seule, pour moi, il n'y a pas une seule manière de qualifier, mais il y a l'idée qu'à un moment donné, il y a des dimensions du travail qui sont présentes dans ces activités d'engagement et que si on ne les regarde pas, on passe à côté, à mon avis, de toute une partie de la réalité à la fois subjective, objective de ces pratiques-là. Mais je pense que ce serait... Enfin, voilà, il n'y a pas une seule manière. Après, il y a la définition, j'ai envie de dire aussi, plus de la question de l'usage. Moi, de plus en plus, cette idée du... Alors, par exemple, quand je parle de travail gratuit ou quand je m'intéresse à la question du travail gratuit, là, je suis autour de la question de l'usage. Donc, effectivement, cette idée. Je parle de travail gratuit quand je parle de la municipalité de New York pour le bénévolat et pour les gens en workfare, parce qu'effectivement, il y a une utilisation de ce travail dans le cadre d'une politique publique d'entretien des parcs. Donc là, pour moi, on est clairement dans du travail gratuit du côté de la municipalité. On l'est pas forcément du tout dans la tête des gens qui s'investissent, c'est-à-dire eux, ils peuvent y mettre tout le militantisme qu'ils veulent, pas faire de lien avec leur travail, etc. C'est aussi pour ça que je disais que je pense que c'est important de prendre ces questions-là à différents niveaux et de penser à ces différentes échelles et de voir que les choses ne sont pas toujours... voilà, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas une seule réponse. Mais il y a en tout cas toute une série de dimensions du travail dans ces pratiques d'engagement qui sont plus ou moins fortes objectivement. Quand on est dans le contrat d'engagement éducatif, là très clairement, on la voit bien la dimension du travail parce qu'on est dans un jeu sur ses pas du travail. En même temps, on est inscrit dans le droit du travail, mais on y déroge. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes enjeux sur le bénévolat, sauf que tous les cas, notamment la Croix-Rouge, etc., où on se fait requalifier, bah, finalement, on n'est pas si éloigné que ça de ces enjeux-là aussi. Donc... Juste, pardon, peut-être on pourrait se présenter avant de. Si ça vous embête pas. Enfin. Je m'appelle Hortense Pédelin et je suis en première année de master de sociologie à l'HESS. Et j'avais une question sur ce qui concerne les statuts plutôt des bénévoles, des volontaires, des salariés. Comment ça se passe au sein des associations? Est-ce que généralement la différence de statut est marquée ou est-ce qu'au contraire tout s'est confondu? Et dans le cas où c'est confondu, est-ce que ça peut être source de tension, notamment par exemple de la part des salariés qui veulent se distinguer justement des bénévoles? Comment ça influence les relations professionnelles qu'ils peuvent avoir entre eux aussi et la façon dont ils s'affichent par rapport à l'extérieur? Il y a d'autres questions? Bonjour, je travaille dans le milieu associatif, aussi en tant que militante. Et puis voilà, j'ai commencé une recherche sur la mobilisation des travailleurs du sexe. Et je vais dire un peu mes remarques un peu en vrac tout au long de l'écoute de vos deux exposés. Juste, vous avez parlé des jeunes femmes qui arrivent bien à trouver du travail dans le milieu associatif, mais aussi ça permet à d'autres populations, par exemple issues de l'immigration, ou qui ont des profils un peu atypiques comme les usagers de droit, ou les personnes trans ou les travailleurs du sexe, de trouver du travail. Il y a aussi cet aspect-là de milieu associatif comme étant ouvert, où en même temps après se rejouent les dominations, puisque rapidement les cadres, les directions sont blanches, etc. Et je voulais dire aussi un point par rapport au conflit, c'est aussi ça tient du fait, la difficulté de dire les conflits, ça tient au secteur associatif, mais aussi au fait que ce sont des petites structures et que dans les petites PME, c'est pas évident de se mobiliser contre son patron quand il y a 10 personnes qui travaillent. Sur le travail associatif et les statuts salariés, il y a aussi les logiques de financement qui font que aujourd'hui de plus en plus les actions sont financées par rapport à des projets et l'État ou les agences de financement ne s'intéressent pas au personnel ou au matériel, quoi. Et du coup on est de plus en plus dans une logique de projet et du coup ça crée aussi cette précarité du travail dans le monde associatif. Tout ce que vous m'avez dit, je le connais bien, et en fait ça m'a fait penser au monde des start-up, avec l'idéologie aussi de réaliser un travail différent, l'enchantement par le travail, la réalisation, au début de la bulle informatique, où les gens étaient à fond, ils ne comptaient pas leur temps. Après, je trouve qu'il y avait une dimension que vous n'avez pas abordée, mais peut-être c'était aussi parce que vous avez parlé sur la question du travail, c'est la question justement de l'engagement. Le fait que les associations, enfin travailler dans une association, ça permet aussi d'être salarié pour faire du lobby, pour être payé pour faire de la contestation. Et il n'y a pas beaucoup d'espace dans la société où on peut être payé pour juste faire ça. Et moi, je connais bien la lutte contre le sida et c'est vraiment l'exemple le plus probant. Avec justement le bémol que normalement, et c'est là où le secteur de l'économie sociale et solidaire s'est un peu fait avoir, puisque normalement les actions ne devaient pas être pérennisées, c'est-à-dire que les associations avaient pour but de montrer des problèmes, de lancer des chantiers, mais ensuite l'État aurait dû prendre le relais. Et d'ailleurs, le fondateur de AIDE, j'ai oublié son nom, compagnon de Foucault, Daniel Defer a dit récemment que AIDE ne voulait plus s'engager dans les prisons puisqu'ils avaient remarqué que la situation ne changeait pas, donc ils se retiraient. Donc là, il y a toujours un jeu comme ça par rapport à l'investissement des associations, le désengagement de l'État, qu'il délègue des missions, mais en même temps, pérennise les problèmes et les situations. Donc, voilà, je crois que j'ai fait tout. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Ouais. Je suis étudiante en M2 ici à l'HESS. Je travaille sur le mouvement aussi. Par ailleurs, je suis travailleuse sociale, donc j'ai l'impression aussi de travailler pour une société publique. Ça posait un peu la question aussi, justement, de savoir. Sur quel type d'association vous avez fait votre enquête et de la diversité des associations. Parce que, c'est que mon expérience personnelle, je parle, mais je me demande justement s'il n'y a pas aussi une variable au niveau de la taille de l'institutionnalisation du rapport à l'État de ces associations dans la dimension un peu sacrificielle qu'il peut y avoir de l'engagement, notamment chez les salariés, puisque je pense aussi à des associations qui aujourd'hui. Dans le secteur social et social, où il n'y a pas de bénévoles, il n'y a que des salariés, et où il me semble que justement, avoir un engagement n'est pas forcément le même que dans les associations de la différence. Évidemment, on n'avait pas le temps, ça aurait été trop long, mais je me suis amusé dans ma thèse, on s'amuse des fois dans les thèses. À décrire justement l'espace Des fois, oui. l'espace des entreprises associatives, j'allais appeler ça comme ça, parce que moi j'ai travaillé surtout sur des associations employeurs, et toi peut-être pas uniquement. Et effectivement, sur ces entreprises associatives, il y a une hétérogénéité énorme qu'on retrouve là dans l'enquête qu'on est en train de faire sur le dialogue social, justement, dans ces entreprises. C'est essentiel de distinguer. J'avais distingué deux grands axes, hein, qui structuraient tout ça. La présence de bénévoles investis dans les instances de CA, etc. Un salariat un peu périphérique, surtout constitué de salariés, surtout en contrat aidé ou en contrat court, hein, y avait ça, versus effectivement des grosses structures associatives qu'on connaît tous, Croix-Rouge, Secours catholique, les gros réseaux nationaux, qui effectivement regroupent 500 voire plus en termes de salariés, et où le bénévolat se limite finalement aux instances élues, dans le meilleur des cas. Donc effectivement, ça c'est effectivement très très très très très très structurant. Et puis l'autre axe qui était l'axe horizontal opposait les entreprises associatives selon leur mode de financement. Donc vous avez celles qui étaient participant à l'intérêt général, avec le soutien des collectivités publiques, hein, très massif. Et puis de l'autre côté, celles qui étaient plus dans des rapports philanthropiques, générosité privée, ou alors carrément vente de services, hein, l'aide à domicile, voilà, la prestation commerciale. Donc voilà, ces deux dimensions permettaient d'identifier quatre grands types d'entreprises associatives qui, on pourrait aussi, et c'est ce qu'on va faire là dans l'enquête actuelle, déterminent des manières d'organiser le dialogue social, les relations professionnelles à l'intérieur des structures particulières. Évidemment, quand on a 500 salariés, il y a des IRP, hein, il y a des institutions de représentation du personnel, il y a une convention collective, ce qu'on n'a pas forcément dans les très, très petites associations où on est dans des rapports interpersonnels, voire paternalistes, comme j'avais pu l'observer dans le cas d'une épicerie sociale qui avait été fondée par quelqu'un qui était cadre dans la construction, qui avait repris pied dans le monde du travail en fondant une épicerie sociale, qui avait du coup embauché toute sa famille et qui me parlait de ses emplois jeunes à l'époque, hein, c'est il y a une dizaine d'années, qu'elle avait redressé moralement. Puisqu'elle avait pris son rôle d'employeur de salarié en contrat aidé comme quasiment un rôle paternaliste de « il faut leur réapprendre le sens des valeurs, se lever le matin, etc. etc. » Enfin, bon, ça, c'est aussi tout le rapport aux emplois qui sont inscrits dans des politiques d'insertion qui entraînent aussi ce mode de relation-là. Juste aussi pour répondre à la question sur... sur la commande publique, je voulais aussi, ça me fait penser à ce cas que j'ai observé récemment de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes qui a lancé un appel d'offres pour monter des structures associatives pour prendre en charge les maladies d'Alzheimer, enfin les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, et qui dans son cahier des charges stipule clairement que le titulaire de la prestation, du contrat, pourra contourner les conventions collectives du travail social de 61, déroger à ces normes salariales, ce qui permettra d'avoir plus de souplesse. C'est noir sur blanc. J'ai plus. Donc on a la connexion directe dans l'appel d'offres sur un usage tout à fait instrumental. D'associations qui sont délibérément, considérées comme des opérateurs privés de politique publique, et donc avec le traitement qui va avec pour les salariés, de ces structures qui sont évidemment considérées comme une variable d'ajustement des politiques publiques. C'est... De le voir noir sur blanc, c'est... ça fait quelque chose. Aussi pour rebondir sur quelques-unes des questions. Alors, sur la question que vous avez posée, est-ce que... Enfin, j'ai envie presque de répondre plus globalement, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va étudier du travail, évidemment qu'on n'a pas du tout la même chose. Enfin, il y a des variables qui vont jouer. Typiquement, si on est sur la question des relations professionnelles, etc., il y a des histoires locales de secteurs qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont construites dans le secteur de l'animation et qui sont des problématiques du secteur de l'animation, qui ne sont pas les mêmes que celles de l'aide à domicile, qui ne sont pas les mêmes que celles de la lutte contre le sida. Donc il y a vraiment effectivement des micro-mondes, des sous-champs du champ associatif qui ont aussi leur histoire, leur questionnement, leurs problématiques là-dessus. Après, il y a la question de la taille, évidemment, de la structure, hein, quand même. Vous disiez des petites... parce qu'on a la difficulté à dire le conflit dans les petites, mais la réalité, c'est que... Donc, quand même, pour remettre le paysage, il y a 20%, c'est des chiffres... Combien de pourcents du monde des associations qui sont employeurs? Pourcentage, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas combien il y a d'associations globales. Oui, mais en gros, on a quand même une idée. On n'a jamais le vrai chiffre du nombre d'associations globales, parce qu'on n'a pas celles qui meurent. Donc on ne sait pas exactement combien on en a complètement vivantes en activité, etc. Donc ça reste des évaluations. Mais il faut avoir en tête que... C'est à peu près, oui, en gros, on évalue à 20% le nombre d'associations qui sont des associations employeurs, donc ce que Mathieu appelle des entreprises associatives. Donc ça veut dire qu'il y a 80% du monde associatif qui ne fonctionne qu'avec du bénévolat ou des formes de services civiques, volontariat, etc. Donc ils n'ont pas de salariés. Sur ces 20% qui ont des salariés, vous en avez un nombre infime qui ont plus de, je sais pas, 50 salariés, quoi. Ah oui, c'est-à-dire que la plus grosse masse des associations employeurs, ce sont des toutes petites, c'est des toutes petites associations employeurs. Donc cet enjeu-là que vous évoquez de la relation interpersonnelle, des problématiques que les sociologues du travail ont montrées sur les très petites entreprises, effectivement, hein, les PME ou les toutes petites entreprises, elle est extrêmement présente dans l'emploi associatif, parce que on a tous, on pense facilement, je sais pas quoi, à la Croix-Rouge, le Secours Populaire, mais ça c'est une toute petite partie, hein. C'est donc voilà, une bonne partie des associations employeurs fonctionnent avec 1, 2, 3 salariés, et donc effectivement il y a toute cette difficulté à construire la conflictualité, effectivement. Et même le rapport salarial. Donc des choses qu'on a pu montrer aussi sur les liens. Enfin, voilà. Donc ça, c'est... Je voulais juste rajouter, c'est vrai aussi dans les grosses, mais pour les raisons que j'avais... Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais rajouter aussi. C'est-à-dire que finalement, il y a cette dimension-là dans les petites, mais finalement, en l'occurrence, là, ce qu'on évoquait avec les réunions d'assaut, c'est pas des gens qui étaient dans les petites. D'ailleurs, les toutes petites, ils n'étaient pas là. Les gens des toutes petites associations, ils ne sont pas arrivés aux premières réunions d'assaut. Ils n'en ont même pas entendu parler. Donc ceux qui étaient là, c'était quand même déjà des grosses structures. Et nous, on s'est quand même débrouillés, même si tout ça a été décliné de manière très anonyme, pour au final savoir quand même qui était là, qui n'était pas là, etc. C'était de très grosses structures. Ça n'empêchait pas qu'ils voulaient garder l'anonymat et qu'ils avaient du mal, et, soit parce qu'ils connaissaient effectivement les... mais aussi parce que, voilà, il y avait cette idée. Et honnêtement, dans l'histoire d'Emmaüs, qui est une grosse structure, finalement, l'élément qui a permis qu'un conflit soit déclenché, ben, c'est toujours compliqué de dire ça, mais il y a au moins peut-être deux éléments. Il y a d'abord le fait que les cadres se soient mobilisés aussi, donc ça a joué un rôle un peu de ferment, parce qu'ils n'étaient pas contents de la restructuration et des fonctions de direction, etc. Donc il y a eu déjà une grogne, on va dire, chez les cadres. Mais honnêtement, il y a un acteur clé dans l'émergence du conflit à Emmaüs, qui est Latifa Abed, qui vient du privé, qui est une militante, qui a été à la tête de plusieurs conflits, qui vient d'un énorme conflit quand elle arrive à Emmaüs dans le privé, qui a été au prud'homme, qui a été attaquée, enfin, qui est quelqu'un vraiment qui arrive et qui va finalement appliquer sa grille de lecture vraiment inscrite dans le rapport salarial à la situation d'Emmaüs, et qui va dire, mais ça va pas ce que vous êtes en train de vivre là. Vous vous rendez pas compte. On est complètement... Enfin, elle pensait arriver là-dedans en se disant, je vais souffler un peu, j'arrive dans une association, parce que là j'en ai bavé. Je vais retrouver du sens. Elle est arrivée comme ça, par des gens qui la connaissaient, qui lui disent, tiens, va là, c'est un copain, etc. Et c'est le contraire qui se passe. Mais c'est le contraire parce qu'elle arrive avec sa grille de lecture. D'ailleurs, ça me fait penser à ce film, qui est assez intéressant quand même, pour cette histoire de... Comment il s'appelle je crois, par rapport au travail. C'est Moki. Il a fait un film qui s'appelle Le Bénévole, Moki, avec Serrault dans le rôle de... Et c'est un film assez intéressant parce que c'est un type qui est un syndicaliste complètement amoureux du droit du travail, etc., qui fuit, alors je sais plus, j'ai plus tout en tête, mais qui fuit, je sais plus pour quelle raison, et qui se retrouve arrivé dans une petite association qui attend son président, et tout le monde pense que c'est lui le président, et du coup, comme il est en fuite, il va se cacher là-dedans, mais il arrive et il est complètement scandalisé de tout ce qu'il voit en termes de dérèglement. Et il va appeler la mairie qui dit c'est fini, on vient plus nettoyer les plages, vous foutez de nous, alors vous nous payez. Enfin bon. Donc il y a vraiment cette idée du regard finalement. Et là, c'est un peu ça qui va se produire, c'est-à-dire qu'elle vient du monde de l'entreprise, elle vient de la conflictualité forte, hein, je dis, elle en a bavé. Elle arrive là, elle repère immédiatement tout ce qui n'est pas respecté dans les négociations, dans le droit du travail, et elle va construire et structurer ça. Alors, c'est pas elle toute seule, mais ça va quand même être. Donc c'est même pas dit que s'il n'y avait pas eu cette personnalité-là. Alors qu'il y avait beaucoup de souffrance. Donc c'est aussi pour ça, quand on dit des verrous à faire sauter, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes autres de conflictualité. Il y a effectivement des enjeux de burn-out, il y a des enjeux de harcèlement. Finalement, il y a des choses qui vont arriver sous la forme du harcèlement, des choses comme ça. Mais on a plusieurs cas comme ça, on a des monographies qu'on mène sur des cas de conflits finalement dans le monde associatif, où très souvent, il y a un élément comme ça, qui vient de l'extérieur et qui a déjà finalement une histoire dans la conflictualité du rapport salarial qui va transposer ça et qui va faire émerger effectivement le conflit quoi. Donc c'est même pas dit que même dans une grosse structure comme Emmaüs ça ait pris s'il n'y ait pas eu voilà. Alors les types d'associations sur lesquelles, alors effectivement moi je n'ai pas travaillé que sur des associations employeurs. Alors, l'espace, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai fait une comparaison France-États-Unis et que la manière de définir l'espace associatif, le champ associatif, va le même dans les deux pays. Par exemple, nous on pense tout de suite les associations du secteur social, etc. Bon, social ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune nomenclature du monde associatif américain où il y a social par exemple. Donc, ce n'est pas les mêmes découpages et ce n'est pas les mêmes catégories pour définir les secteurs, ce n'est pas la même histoire. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on va dire que dans ma thèse, j'étais vraiment sur le noyau le plus proche du type idéal de l'association dans chacun des deux pays, c'est-à-dire le secteur social, solidarité, santé, etc. En France, et puis ce qu'ils appellent les community, alors ça peut recouper, mais voilà, le secteur communautaire aux États-Unis. Et parce que ça m'intéressait aussi de travailler sur la construction de ce type idéal de l'association, de l'engagement, etc. Après, sur l'enquête sur les parcs, là, je suis passée complètement dans un autre secteur, puisque c'est des associations qui, finalement, sont des associations de voisins autour des parcs et qui vont se mobiliser pour gérer le parc, le nettoyer, faire du jardinage, des choses comme ça. Donc, c'est plus du tout le même secteur. Et puis là, donc, sur les questions de relations professionnelles, donc là, maintenant, dans un espace d'entreprise associative, on a une velléité d'essayer d'attraper tous les secteurs, d'avoir les différentes conventions, en tout cas telles qu'ils sont définies par les conventions collectives, donc les branches, on va dire. Sachant qu'il y a, voilà, les branches après les parcs. donc voilà, donc il y a une diversité, et évidemment, il y a plein de choses qui doivent être. La question de comment les associations utilisent ou mettent au travail leurs volontaires, évidemment, si vous prenez une grosse structure comme la Ligue de l'Enseignement, où il y a des milliers de volontaires, c'est pas le volontaire de la Ligue de l'Enseignement, il n'est pas du tout dans le même type de statut de rapport aux bénévoles, aux salariés, etc. Il y a un volontaire qui arrive dans une structure où, par exemple, il n'y a pas de salarié, où il y a une seule salariée. Donc, il y a des associations qui ont une politique autour de leur volontariat. Bon. Après, pour autant, les dérives et les questions de sous-emploi ou d'utilisation, je pense qu'elles se retrouvent relativement partout sous des formes différentes. Mais effectivement, les rapports ne seront pas les mêmes. Un volontaire qui arrive dans une structure où il y a un ou deux salariés, généralement, il va faire équipe avec le salarié. Et on en a vu même des gens qui ont fait des stages, qui sont censés faire des stages dans notre master et qui ont fait en fait des volontariats et qui, quand ils défendent leur mémoire, disent l'équipe salariée, nous l'équipe salariée, et on a voulu leur dire non, vous n'êtes pas salarié, vous êtes volontaire. On en a parlé toute l'année, mais c'est pas grave. Et là, je vous parle par exemple d'une association qui est une grande association féministe qui, par ailleurs, se mobilise sur plein de dossiers brûlants, etc. Donc là aussi, c'est pour revenir aussi sur cet enjeu-là. Quand je parlais tout à l'heure des enchantements, c'est que ces enjeux-là, ce serait tellement facile finalement structurer le monde associatif en disant il y a les militants qui respectent bien le rapport au temps. Pas du tout. C'est-à-dire que là où pour moi, il y a eu la dimension la plus finalement, enfin qui m'a le plus interpellée, c'est que, et j'en ai encore aujourd'hui hein, dans le rapport notamment des jeunes en recherche de stage du master avec les associations, je veux dire, les comportements. Des plus mauvais employeurs, entre guillemets, sont pas forcément là où on les attend. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu assez, assez crucial pour le monde associatif aujourd'hui d'attraper ça. Mais oui, oui, c'est évident qu'il y a une diversité de ce monde-là qu'il faut absolument prendre en compte dans l'analyse du travail. Ben, on va peut-être s'arrêter sur cette touche pleine d'espoir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.